chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de la Ligue de hockey JMS avec notre ami Pierre Gay. Salut Pierre! Bonjour Danny. Pierre, ton relationniste n'était pas supposé d'arriver, de venir? T'as supposé avoir ton relationniste? non, mais c'est sûr qu'il a manqué son rendez-vous de dimanche soir. Ouais. Fait que là, on en rencontre deux demain soir, puis on va lui donner une chance de nous rencontrer pareil, mais disons que ça abaisse un peu dans notre estime. OK, c'est sûr que quand tu ne te présentes pas à ton rendez-vous, mais ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui, Pierre. Va falloir se mettre à la page, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver, ouais. Ouais. On va être runné par réseau. Pierre, je veux te parler de hey, le tournoi junior s'en vient bientôt. Le tournoi junior, c'est votre grosse activité. Y a-t-il bien des équipes d'inscrits jusqu'à maintenant? Présentement, nous, la Ligue JMS, nous, le junior, ouais, on fait partie du tournoi, mais par contre, je sais que nos 5 équipes de la Ligue, je pense, sont inscrites. Oui. Puis, j'ai parlé avec Jean-Benoît avant hier, il m'a dit qu'il y avait probablement 2 à 3 équipes de l'extérieur. Donc, il devrait avoir 8 équipes sur le tournoi. OK. C'est moins que les autres années, non? Non, ça a toujours été 8. Ils ont déjà eu 12. Dans les bonnes années, il y a déjà eu 12 équipes. OK. Mais depuis les dernières années, ça coûte en ça. 6, 8. OK. OK. Donc, on va y aller avec ce qui s'est passé la semaine passée. Évidemment, le but de cette chronique-là, c'est de faire parler un peu de nos équipes dans le secteur. Il y avait les Éperviers Normandins qui ont gagné encore en fin de semaine contre les Aiglons d'Alma. Les Aiglons connaissent un début de saison très difficile. Oui, les Aiglons, je pense que le problème des Aiglons, c'est une équipe qui travaille beaucoup. Manque de talent. Peut-être un peu de punch à l'attaque, de bons compteurs. Un ou deux compteurs changeraient beaucoup la dynamique de cette équipe, parce que, puis même peut-être un deuxième gardien. Par contre, ils sont toujours dans les parties, excepté la partie de dimanche soir à Jonquière, où ils ont été défaits 7-2. Et ils sont toujours dans les rencontres. Ils perdent par 1 point, 2 points, 1 point, tout le temps serré. OK. Donc, dans le match, ce qu'il faut noter, c'est que David Gagnon, 2 buts, 2 passes pour les Éperviers Normandins. Charles Tremblay, qui a porté les couleurs des Saguenayens, 1 but de passe. 1 but de passe également pour Vincent Lajoie. Et Samuel Larouche, pour les Éperviers, a marqué 1 but et ajouté 2 passes. Il y avait également, dans les autres matchs que je vois, qu'on va vous donner, il y avait également, ça se déroulait samedi, victoire, ce coup-là, encore une fois, des Sables de Robert-Mas contre les Éperviers. Oui, ça a été toute une partie. 3-0 pour les Sables. Assez surprenant. Oui. Parce qu'on sait que les Éperviers, c'est la grosse équipe cette saison. Dans ce début de saison. Puis qu'ils avaient déjà battu 4-2 chez eux. Une victoire de 3-0. Puis c'était le deuxième blanchissage d'affilée des Sables. Ils avaient blanchi les Aiglons dimanche passé 4-0. Donc, 2 blanchissages. En ligne du junior, il faut le faire. OK. Donc, dans le match pour les Sabres, il a noté que 2 buts pour David Simard-Fortin. De toute façon, on va parler avec ton garçon Guillaume Gay dans les prochaines minutes. Et maintenant, ça se déroulait dimanche. Il y avait 2 autres matchs au programme. Victoire des Marquis 7-2 contre les Aiglons d'Alma. Est-ce que tu peux m'en parler de ce match-là? Les Marquis étaient vraiment... Ouais. Un peu supérieur. Les Aiglons, je ne sais pas, Ben, le gardien de but a donné deux mauvais buts en partant. Ouais. Les Edlons sont venus dans le match à 2-1. Mais là, ils ont pogné tous deux punitions. Puis à 4-1, le match était remporté. Fait que c'est, les parties, c'est comme quand les Sabres se sont fait, disons, battre 7-3 contre Chicoutimi. Mm. Ils ont été là une période. Pour ça, là, c'était le, je pense que c'est le pire match des Edlons cette année. Ouais. OK. Et dans l'autre match, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, comme je vous disais, victoire des Sabres de Roberval, 7-6 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Au niveau midget, demain, on va faire la chronique avec les Castors de Dolbeau. Par contre, on va vous donner des résultats également. Victoire des Saguenayens, 5-1 contre les Saguenayens 1. Parle-moi de cette rencontre-là. Ouais, 5-1, c'est les Marquis. Je pense que les Marquis, cette année, sont... Ça devrait être l'équipe à battre dans le midget. Une très belle offensive. Ils sont puissants. Ils ont un bon gardien de but. Mais pour eux autres, ils n'ont pas encore perdu en 4 matchs. Ouais. Ils l'ont répété avec une victoire contre les Edlons qu'on supposait être l'adversaire de 6-5. La deuxième fois qu'ils battent les Edlons en 10 semaines. Donc, je pense que les Marquis sont prêts. Mais le lancement dans le midget est après 6. Serré. Ils n'ont pas de défaite, mais ils ont 10 points. Les Sags et les Ambassadeurs, 8. Les Edlons et les Castors, 6. Puis les Marco Port, 5. Ouais. C'est différence. C'est pas grand-chose. Quand une victoire vaut 3 points, quand tu joues, ils n'ont pas un comportement. Donc, les deux équipes de la Côte-Nord n'ont pas débuté encore, débutent en fin de semaine. Donc, eux autres, c'était un horaire assez chargé. Ils vont jouer, descendre, jouer 3 parties en fin de semaine ici au lac. Puis, ils devaient jouer entre eux autres en fin de semaine. Disons qu'ils ont. Il n'y avait pas de place de disponible, mais on les a là, on les a obligés à jouer le parti. On ne veut pas qu'ils commencent la saison, qu'ils aient qu'ils toutes 8 parties jouées. Ouais, ouais. On les a repris sérieusement lundi. OK. Et maintenant, donc, samedi également, les ambassadeurs de Chicoutimi qui normalement jouent deux matchs ici en sol, ont gagné 5-0 par Blanchard contre le Marcos Pub. Ça, j'imagine que tu n'étais pas à ce match-là? Non, c'est Michel qui était à cette partie. OK. Et les Saguenayens de Chicoutimi ont gagné 6-5 contre les Aiglons d'Allemagne. Oui, ça c'est encore là. C'est les Marquis qui ont gagné 5, c'est ça que tu as dit. C'est un match. Encore un match. Disons qu'entre les deux, il y a vraiment une grosse rivalité. Là. Ah ouais. C'est ouais. La rivalité qui va avoir. Ça va brasser probablement toute l'année en séduit. OK. Et les ambassadeurs de Chicoutimi, on va en parler demain avec Robin Bouliane. 2-1, victoire des ambassadeurs contre les Castors de Dolbeau. Il n'y aura pas bien dans les détails. On va en parler plus demain. Les Aiglons ont gagné 3-2 contre le Marcos Pub. Oui, c'est encore un bon match. Notre représentant qui était à la partie disait que c'était 3-2. Il restait 2 minutes de jeu. Allemagne avait une punition. Puis la rondelle a tourné proche du filet, mais elle ne voulait pas rentrer. Je pense que Saint-Félicien, ils perdent, mais ils perdent tout le temps serré. Ils vont donner. On m'a dit au début de l'année qu'il n'y avait pas d'équipe. Puis là, ils ont rendu avec une équipe très potente. Donc. Je pense qu'on devrait avoir, autant que dans le junior que dans le midget, deux belles luttes pour le classement cette saison. Ah oui, effectivement. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Y a-t-il autre chose à mentionner? Peut-être y a-t-il un joueur qui s'est démarqué? Non, je pense pas. Moi, la seule affaire qu'on fait, c'est que nos trois meilleurs compteurs dans le junior, c'est le Jean-Simon Girard des Marquis, qui a 12 points, David Gagnon de Roberval 11, puis justement, petit Fortin de Roberval qui en a 11. C'est les trois là, c'est les trois qui dominent après 6. Ils ont toutes les deux 6 parties. Puis dans le classement, c'est Normandin 15, Roberval 13. Ouais. Puis Jonquer ont 10 et 9, mais ils ont une partie en main. OK. Puis dans le midget? Dans le midget, c'est les Marquis qui ont 10. C'est Sag, Ambassadeur 8, Edlon, Castor 6 et le Marco Pauve 5. OK. Pierre, ça fait pas mal de tour pour cette semaine. On s'en reparle. Je ne sais pas si c'est avec toi, avec le relationniste, mais ça va être quelqu'un la semaine prochaine. Oui. OK, donc Pierre Guay, qui est le président de la Ligue de hockey JMS.